village, y'a des filles, elles ont 2 ans et demi. Elles font du sein nu et leur mère elle dit rien, alors qu'elles peuvent avoir le cancer du sein. Où va le monde? Où va le monde? Des fois dans le bus, y'a des jeunes, ils restent assis, alors qu'il y a des grands-mères, elles ont des cabas et elles sont debout. Où va le monde? Où va le monde? Aussi des fois c'est chiant, y'a des mecs qui font du vélo à contresens dans les sens uniques, et t'arrives en face en voiture, ils font même pas gling gling avec la sonnette, et tu peux te les manger de plein fouet si tu les as pas vus, parce que par exemple t'es en train de chercher un CD dans ta boîte à gants. Où va le monde? Où va le monde? Ou alors des fois y'a des accidents radioactifs dans des usines nucléaires, genre le tricastin, je cite personne, et puis t'apprends 15 jours après qu'il y a eu un taux de radioactivité 500 fois supérieur à celui qui a été déclaré par la presse. Et là il faut faire genre on se doute de rien. Où va le monde? Où va le monde?